Sur ce, le dit messire Bertrand se récusa encore par un autre moyen et dit « Cher sire et noble roi, je ne veux, ni ne puis, ni n'ose aller contre votre bon vouloir. Mais il n'est que trop vrai que je suis un pauvre homme, de modeste origine, et l'office de connétable est si haut et si noble qu'il faut, si l'on veut bien s'en acquitter, exercer et établir son autorité très avant, et plutôt sur les grands que sur les petits. Et voici mes seigneurs, vos frères, vos neveux et vos cousins, qui auront charge de gendarmes dans les camps et les chevauchées. Comment oserais-je étendre sur eux mon commandement ? Certes, sire, les jalousies sont si grandes que je dois y prendre bien garde. Je vous prie donc instamment de me décharger de cet office et de le confier à un autre qui l'accepte plus volontiers que moi et sache mieux l'exercer. »